Bonjour et bienvenue dans les dossiers psycho. Le sujet d'aujourd'hui est consacré à l'addiction au sucre. Le sucre est une saveur innée, celle de l'enfance, toujours associée au plaisir. Elle reste à jamais gravée dans le cerveau. Des études démontrent que le sucre présenterait même un caractère addictif aussi important que l'alcool ou encore la cocaïne. Pour évoquer ce sujet de l'addiction au sucre, nous recevons aujourd'hui Jean Dorido, docteur en psychologie. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Peut-on parler de dépendance au sucre comme une drogue ? Alors écoutez, pour être tout à fait transparent sur le sujet, le DSM-5, qui est vraiment l'ouvrage de référence pour les troubles psychiatriques et psychologiques et qui donc caractérise, classifie les dépendances aux drogues. Dans le DSM-5, le sucre n'est pas considéré comme une drogue. On peut dire d'une certaine façon que, en l'état actuel des choses, la science ne considère pas le sucre comme étant une drogue. Pour autant, vous l'avez rappelé, c'est vrai que certaines études faites sur des rats de laboratoire constatent que le sucre agit comme une drogue dure. Typiquement, quand vous donnez de la cocaïne à des rats de laboratoire, ils deviennent cocaïnomanes. C'est un fait, ils adorent ça, et vous mettez une petite pédale qui distribue de la cocaïne, ils deviennent complètement addicts. Eh bien, des études ont été faites par des psychologues, des chercheurs, des neuroscientifiques et des études faites et répliquées dans d'autres laboratoires dans le monde, quand vous prenez des rats de laboratoire, que vous leur donnez le choix entre deux petites pédales, une pédale distribuant de la cocaïne et une pédale distribuant de l'eau sucrée, dans l'immense majorité, les rats préfèrent le sucre. Et c'est ce qui fait dire à certains savants que, précisément, le sucre peut être aujourd'hui envisagé comme une drogue, voire peut-être même comme une drogue dure. Comment nous sommes-nous rendus compte de ce phénomène, justement ? Eh bien, écoutez, c'est le travail clinique, en réalité. Les psychologues, les addictologues, les médecins qui se sont rendus compte que de plus en plus de leurs patients venaient chercher de l'aide par rapport à une consommation excessive de sucre. Et puis, il y a également l'émergence de l'obésité, du surpoids, du diabète, qui fait effectivement s'alarmer pas mal de médecins, pas mal de psy autour de la question du sucre, de la place du sucre dans notre alimentation et dans les produits de consommation. Alors justement, comment devenons-nous accro au sucre ? Eh bien, comment devenons-nous accro au sucre ? Je dirais, c'est un peu comme toutes les drogues. C'est une consommation au départ qui donne le sentiment d'être maîtrisée, d'être même contrôlée. La personne se dit, voilà, quand j'en prends, je suis bien, ça me fait plaisir. Et puis, la mécanique de l'addiction se met en place et un jour, la personne se rend compte que finalement, si elle n'en a pas, elle n'est pas bien. Et là, on est pleinement entré dans le monde de la dépendance, avec en plus, concernant le sucre, un aspect compulsif. Des personnes comme vous et moi vont vous dire « j'ai parfois des crises de sucre et je peux engloutir des quantités inouïes de bonbons, de chocolat, de gâteaux achetés au supermarché ». Et c'est vraiment ce côté compulsif, c'est, vous savez, c'est ce fameux « c'est plus fort que moi ». J'aimerais ne plus le faire, et de temps en temps, ça me prend, et c'est plus fort que moi, et la volonté n'y peut rien. Et ça, c'est un fait que dans le tableau clinique, si vous voulez, c'est vraiment, je dirais, si ça n'est pas une dépendance à une drogue, vraiment, ça y ressemble. Très bien, alors connaissons-nous justement le pourcentage de personnes addictes au sucre aujourd'hui ? Le pourcentage d'addicts au sucre, non. Pour autant, on a quand même les chiffres du surpoids et de l'obésité. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 20% de Françaises et de Français qui souffrent d'obésité. Il faut rappeler que ce n'est pas bon pour la santé, c'est une maladie, c'est un problème de santé publique. Et on a quand même plus d'un Français sur deux qui est en surpoids. Et bien sûr que le sucre, c'est un truc qui est très très calorique, ça se mange sans faim, et on peut imaginer que le sucre a une part non négligeable d'importance en termes de cause qui explique ce surpoids. D'accord. Et cet amour pour le sucre est-il inné ? Est-ce qu'on l'a déjà en nous ? Ben écoutez, là, sans du tout se casser le moral, je crois qu'il ne faut, effectivement pas se mentir. Oui, c'est inné. C'est-à-dire que Nous venons de tribus de chasseurs-cueilleurs. Nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs et les mammifères que nous sommes, de la famille des grands singes très précisément, a un problème unique dans le fond, c'est de manger, c'est de survivre. Et le sucre a la caractéristique d'être très très calorique, si vous voulez. Et donc, dame nature ou Dieu ou un mix des deux, selon la croyance des uns et des autres, mais nous a fabriqué de telle sorte que dès qu'il y a quelque chose de sucré quelque part, alors on se jette dessus et que l'on continue tant qu'il en reste, si vous voulez. Alors ça, c'était très utile il y a 300 000 ans. À l'époque, on n'avait même pas encore connu la révolution agricole. Nos ancêtres étaient des nomades. Et voilà, chasseurs-cueilleurs, bon, on passait la journée à chercher à manger, dans le fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au contraire, avec l'abondance que l'on connaît, Dieu merci d'ailleurs, sur l'agroalimentaire, ça devient problématique. Parce qu'il y a tellement à profusion en quantité et l'évolution des êtres que nous sommes va moins vite que le progrès technologique de l'agroalimentaire. Et donc, si vous voulez, on a des personnes qui, si on raisonne en termes d'accélérateur et de frein, ne trouvent plus le frein, quoi. Dès qu'elles appuient sur l'accélérateur du sucre, elles ne peuvent plus freiner. Et ça, c'est un fait, oui, c'est un peu inné. Les chirurgiens, les médecins, quand ils s'occupent de nouveau-nés, lui donnent du sucre pour pas qu'il n'ait mal, par exemple, avant de lui faire une piqûre, parce que ça crée une telle décharge de dopamine, qui est l'hormone du plaisir dans le cerveau. Ça crée une telle décharge de dopamine, le sucre, que vous donnez un petit peu de sucre à un nourrisson et vous pouvez le piquer, faire ce que vous voulez, il a pas mal. Tellement son cerveau nage dans le bonheur. Ça, c'est une réalité. Et c'est vrai qu'il faut accepter de faire avec ça. Oui, on est programmé, on pourrait presque dire qu'on est programmé pour être addict au sucre. Je l'ai vu en vrai, cette histoire sur une petite de deux jours, pour une grosse prise de sang et un coup de glucose, en fait. Ah, c'est tout à fait. Parce que ça marche. Ça marche. Tout à fait. Merci, Jean. Alors, on a tous cette image-là du pot de glace pour soigner un chagrin d'amour, une grande tristesse. Mais le sucre calme-t-il réellement les angoisses? Bien, alors, pardon pour cette réponse de Normand. Oui. Et non. Voilà. Merci, Jean. Oui, dans la mesure où, effectivement, il y a cette décharge comme ça biochimique qui fait que oui on peut dire que voilà la dopamine ça va vraiment faire, c'est un shoot hein, dans le cerveau de plaisir, donc là-dessus on peut dire oui et non dans le sens où une personne qui ressent de l'angoisse à juste titre, elle attend les résultats d'un examen, elle attend, et bien sûr que passer le shoot, l'angoisse va revenir, bien évidemment. On pourrait dire que le piège du sucre, c'est le piège de toutes les drogues. C'est que c'est une illusion, dans le fond, c'est une illusion chimique. Donc oui, la personne, évidemment, va avoir cette décharge de dopamine qui va lui créer l'illusion, finalement, qu'il n'y a plus de problème. Évidemment, oui, les problèmes sont toujours là. Et c'est du coup la mécanique, le piège de la drogue, que ben, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en reprend. Et comme le système dopaminergique, si vous voulez, pour parler en termes simples, se fatigue, c'est la fameuse histoire du pot de glace, en effet. La première cuillère de glace à la vanille, génial. La deuxième, ouais, bon, c'est bien, un peu moins bien. La troisième, bon, ok, on connaît. Et puis la quatrième ne présente plus aucun intérêt, sauf que, encore une fois, l'accélérateur a démarré et on ne trouve plus le frein. Et donc le frein, c'est quand le pot est vide. Et là, c'est la double peine, parce que les angoisses sont toujours là. Et en plus, eh ben, on a voilà, le regret de dire « punaise, j'ai encore tombé un pot de glin, un pot de crème, et ça va me faire grossir, et comment je vais faire ?» Mais peut-on se désaccoutumer du sucre? Et si oui, comment? Alors, évidemment, oui, on peut se désaccoutumer du sucre. Et comment? Ça, il faut accepter que ça passe par une période de détox. Ça passe par une période, on pourrait dire, sugar free, en bon français, une période zéro sucre. C'est le principe, je dirais, de toute drogue. La modération, si vous voulez, les drogues licites ou illicites, ne sont pas faites pour la modération, pas par définition. Et donc, ça passe de toute façon par une période détox, qui fait le plus grand bien, de toute façon, au corps et à la tête. Très souvent, la personne, à la sortie de cette période détox, finalement dit que ça ne lui dit plus rien. Bon. Et puis, ma foi, quand elle veut prendre le risque, c'est une prise de risque pour quiconque a été accro au sucre. Hein. On connaît tous des personnes qui vont manger un carré de chocolat, et puis voilà, fin de l'histoire. Bon, c'est des personnes qui ont un certain self-control, qui sont peut-être moins sensibles aux produits sucrés. Bon. En revanche, pour quiconque a connu vraiment un souci avec le sucre, et il faut une période détox, c'est nécessaire. Et puis à l'issue de la période, c'est une prise de risque. Si la personne veut envisager de réintroduire le produit sucré dans sa vie, il va se poser la question de sous quelle forme. C'est très différent de manger un fruit, par exemple, et de manger un pot de crème glacée. Petite parenthèse, dans mon expérience clinique, qui est quand même un certain nombre d'années maintenant, je n'ai jamais vu personne venir me dire « Jean, aidez-moi, je suis accro aux fruits ». Ça n'existe pas. Hein. Alors que le Nutella, pardon pour la marque, mais la pâte à tartiner, voilà, les bonbons, les biscuits, le chocolat, ça c'est, voilà, c'est toutes les semaines, j'ai ce genre de demande. Donc la question va se poser, pour introduire le produit sucré, sous quelle forme et dans quelles circonstances, à quelle fréquence et oui, oui, il est possible de retrouver une consommation là, pour le coup, très maîtrisée et qui permet quand même de bien vivre sa vie parce qu'on vit mieux, évidemment, rappelons-le, sans drogue. C'est que, encore une fois, bon, les drogues illicites, la question ne se pose pas, même les drogues en vente libre, l'alcool, le tabac, le sucre, si tant est que ce soit un jour défini comme une drogue par la science, la vie est meilleure sans drogue, évidemment. Jean Dorido, merci. Je rappelle que pour prendre rendez-vous avec vous, rien de plus simple, il suffit de nous rendre sur la plateforme wengo.com, W-E-N-G-O.com, rubrique psychologie. À bientôt!